7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Francky dans la radio, bonjour et bon réveil. Il est 7h tout pile poil. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. On est ensemble jusqu'à 9h avec une météo qui n'est pas terrible aujourd'hui, de 14 à 21 degrés. On a perdu pas mal avec des nuages et quelques gouttes de pluie malheureusement ce matin. Mais le soleil est là pour vous donner du smile et du sourire. Bah, c'est la traduction en anglais. Salut à Jean-Pierre qui est déjà connecté. Salut JP, bonne journée à toi Francky. Merci mon ami. On est en direct et ça me fait plaisir de vous retrouver. Treasure de Bruno Mars, welcome la famille. Eh ouais, salut Catherine qui est déjà connectée. Bravo à vous d'être là ce matin. Bah, c'est pas facile le réveil, hein. Franchement, bah ouais. Case Beauté qui est là aussi. Ça fait zizir de voir. Salut Dominique, salut Christelle. Bah ouais, un réveil tout en douceur avec de la Keys. Un I Joyce, Tiama. On est heureux de vous retrouver. Des invités tout à l'heure. On va parler de guêpes, de frelons. Vous avez peut-être eu ça chez vous. Vous en avez un, ni bah comment faire? Bah les solutions tout à l'heure. Et puis, on direct des Jeux Olympiques. Christelle Chapierin, notre journaliste, qui nous raconte un petit peu des médailles pour la France. Ouais, ouais, on en parle tout à l'heure. En direct, Anna Joyce. Cuando te digo que meu peito tá doendo, confesso que eu invejo outras relações. Oh, será que é só difícil para nós os dois te amar? Merci d'être là, j'écoute sous la douche Radio Arc-en-Ciel. Ah ouais, c'est vrai, on peut écouter sous la douche aussi. Kygo, le DJ qu'on adore, qui reprend Tina Turner, What's Love Got You To Pay, et ça on adore sur votre radio couleur. Salut la famille, bientôt 7h10. Et ouais, ça fait du bien de vous retrouver ce matin. Pas de soleil malheureusement, mais ça devrait normalement arriver, je vous le promets, dans la semaine. Je vous le promets, promis, j'ai commandé du soleil. Bon réveil. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do it. Who needs a heart when a heart can be broken? Belle reprise par le DJ suisse Kigo. What's love got to do with Tina Turner, on est en direct, ça me fait plaisir. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Ah ouais, parce qu'il faut aller bosser ce matin, il faut se réveiller, hein, ah ouais. Fini de rester au fond du lit, hein. On est en live ce matin, ça me fait vraiment plaisir, 96.2. Le remix de mon photo Steve Watts, c'est Kenji avec Andalus. Welcome, be happy la famille. dire, Marcel, on est en direct, il est 7h15, minutes. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Belle journée, bon petit déj. Si vous êtes dans la voiture direction le taf, eh bien, courage, parce qu'il en faut qu'il bosse. Bientôt les vacances, peut-être pour vous. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Mais c'est bien parce qu'on aura pas mal d'invités tout à l'heure. On aura notamment une personne qui va vous parler justement des guêpes, des frelons, comment lutter dans votre pavillon, dans votre maison, si vous avez un nid. Comment faire? Eh bien, peut-être faire appel à ses services. On vous en parlera tout à l'heure en détail. Les Jeux Olympiques aussi, ça y est, c'est parti avec des médailles qui sont tombées. Notre envoyé spécial, Christelle Chapiotin, 8h30, sera au téléphone avec nous pour nous parler justement des médailles et justement de Manon, l'Orléanaise au sabre, qui a décroché le bronze. On vous en parle tout à l'heure, tout en détail. Et puis un coucou à Orlando, mon garagiste, ouais, qui est dans la bagnole, qui nous écoute. Ça fait du bien d'écouter Francky à la radio le matin, c'est vrai. Justement, si vous cherchez un garagiste, hein, je peux vous filer ses coordonnées. Vous m'appelez à l'antenne 0238 43 48 00. Puis du son pour vous réveiller. Bah oui, il en faut. Parce qu'il faut se réveiller le matin, c'est pas facile. Avec Chino et Nacho, Menina Bonita, on vous souhaite une belle journée. Le soleil ne sera pas rendez-vous, mais bientôt, promis. Caliente, 7h17 minutes. On est en direct. Il est bientôt l'heure de se réveiller. Pasión, tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña la frase de que. Je crois que ça veut dire ma fille qui est jolie, un truc comme ça. avec Chino et Nacho. Welcome la famille, si vous voulez d'arriver. Bah ouais, on est bien au petit déj, au croissant ce matin. Et tiens, si vous voulez me payer un café tout à l'heure, pourquoi pas. Le meilleur des souvenirs, crying discothèque. Crying discothèque, ça veut dire ne pas pleurer en discothèque. Non, on ne pleure pas, les discothèques qui sont de retour tout doucement, on espère que ça va continuer. Voici Alcazar pour le meilleur des souvenirs avec le sample derrière de Chela avec crying discothèque. Allez voir le clip, sans déconner, il est drôle. 2009, Crying Discothèque, c'était Alcazar. On a dansé avec le sample de Sheila qu'on a reconnu, bien sûr. Ouais, forcément, ça nous rappelle des bons souvenirs. 7h21 minutes. Salut à José. Merci Francky d'être là le matin. Bah ouais, merci à toi, mon ami. Il va bosser, lui, hein. Moi, je suis debout depuis 5h30 et je bosse. Je livre. Voilà, bah c'est bien. Salut à tous les chauffeurs livreurs. Ouais, on les salue. Ah, je suis en colère après les livreurs. Certains livreurs, je vais pas donner la boîte, mais bon. On est un petit peu en colère. La météo qui arrive. La météo. La météo, Evelyne Delia. Hein. Le ciel est chargé et nuageux aujourd'hui avec quelques gouttes de pluie malheureusement. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, demain, jeudi, vendredi, samedi, ça devrait s'améliorer avec quelques nuages, mais le soleil devrait faire son apparition. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une deuxième bonne nouvelle, c'est un mec que j'adore. Et j'adore ce titre, Nmikama, Nicky Yam, sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj, courage à vous si vous allez bosser. Niki Niki Yam, Niki Niki Yam. Je voulais faire en japonais ce matin, pas mal hein. Niki Yam, j'adore ce mec. Super, on est cartonne, c'est vrai, partout sur la planète. Et on vous aime aussi le matin. Salut à Manuel, Manuel du côté de Saint-Privé, Saint-Vivant. Merci Francky de nous faire du son latino le matin. Ça nous met de bonne humeur. Eh bien j'en ai encore plein pour toi mon ami. Recroclo on anamena un paso de la luna. Et ça c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil. Es muy tarde y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confío si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Si te encontré un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé. Si me quedo, tú quédate conmigo. Y aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que nos separamos. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que se fue, no. Siento que quiero quedarme aquí dentro. Aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Y aunque miren, no sé si es indiferente. Da igual lo que opinen, no pueden decir. Cuando pienso en ti, yo sonrío. Tu mirada, mi mente, mi vestido desciende. Y yo me pierdo completamente. Ahora, contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir pensar con una noche entera. Entera, oh, viviendo. Oh, es que la mañana. J'adore, j'adore ces mecs. Il y a tout le monde là. Rec, Rukunt, Anamena, un paso de la luna. On est heureux d'être avec vous. 7h30 du mat. L'horoscope qui va arriver dans quelques minutes, histoire de savoir si votre journée va bien se dérouler, bien démarrer. Pourquoi pas? Hein, peut-être. Une réponse dans moins de 10 minutes. Et puis notre invité tout à l'heure, on va parler de guêpes, de frelons, de nids. Peut-être chez vous, vous en avez un en ce moment, vous savez pas comment faire. Les pompiers n'interviennent plus. Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous. Les Jeux Olympiques en direct avec Christelle Chapiotin, la journaliste, qui sera en live avec nous pour nous parler justement des médailles qui sont tombées cette nuit, normalement. Et puis là, le meilleur des souvenirs, on a dansé, c'était en 2000, avec la belle Lady, c'est Easy Love, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj, peut-être dans la voiture, direction le taf, et bien on est là, avec le smile, le sourire, au bord de la piscine, le cocktail, sans alcool bien sûr. Lady, Easy Love. Universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. There's a love that you're looking for, baby. It's a love that I need. Passo. On parlera tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, de nid de guêpe, de nid de frelon. Peut-être que vous avez ça chez vous. Quelle est la solution? Ah, il y a Joël, il a un gros bourdon chez lui. On va essayer de trouver une solution tout à l'heure. Un coup de pelle, peut-être, Joël, je sais pas. Le meilleur des match-up, remixé par Franky, Daily Cool, LMFAO, c'est la version arc-en-ciel. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, opened up. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish blue. Rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Sure to make me throw this cash. We get money, don't be mad. I stop. Hate is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just want to see. You're shaking up now. You home with me. You're naked now. Yeah. Tam tam tum, tam tam tum, tam tam tam tam tam tum, d'un petit remix de Radio Arc-en-Ciel. LMFAO, I Like Bobby, c'est Bonnie M. Justement, Bobby Farrell qui nous a quitté un 31 décembre. Il est mort en Russie, c'était en 2010 pour les petits souvenirs, pour l'anecdote. Et ben ouais, c'est comme ça. On vous souhaite une très très bonne journée. Tout à l'heure, on vous parlera de guêpes, d'abeilles. Moi, j'ai une grosse guêpe dans la cabine. Eh ouais, ça arrive. Et puis aussi, on dirait des Jeux Olympiques. Eh ouais, Christelle Chapiotin fera un point de ce qui s'est passé hier, cette nuit, en live, à la radio. Et c'est le Portugal en Luchanzo. On est en direct, il est 7h40, l'horoscope qui arrive dans moins de 10 minutes. Heureux d'être là, salut à Stéphania du côté de Saint-Privé-Saint-Mémin. Merci Francky de nous réveiller le matin avec Luchenzo, ça fait plaisir. Et puis Joël aussi qui est un peu agacé, alors je vais essayer de récupérer. Ouais, c'est Francky dans la radio. Eh, ils sont sympas les auditeurs quand même. Joël et Olivier, on les salue du côté de Saint-Y. Eh ouais, et si vous voyez cette belle Porsche, hein, vous la prenez en photo, vous m'envoyez et je vous envoie en concert. Eh, elle est pas mal. Le deal, il est pas mal quand même. Et lui, il a cartonné pendant un an et demi déjà. C'est vrai qu'on n'a toujours pas dansé en discothèque sur ce morceau. Mais bon, pourquoi pas. Jérusalem 1, MC4G sur la française. Belle journée, bon réveil et bon petit-déj. Courage à vous. Et puis, il est toujours là, l'autre. Oui, il est toujours là, lui, là. Ouais, c'est Francky dans la radio. No lo sé, hambre nami, su mangishila na, Jerusalem, hija ya nami, kilo no lo sé, hambre nami, su mangishila na, dauyami, alikola na. So a mi aukola na kilo no lo sé su hambre na mi daoya mi aikola na so a mi aukola na kilo no lo sé su hambre na mi. Yeah. no lo sé. Tú, Vietnam, ya voy a mí, ahí colana, gusto a mí, aún colana. Tilo, no lo sé. Tú, Vietnam, Tata, Akuma la tata, Achita Guanana. Ah, j'adore ce mec, je sais pas pourquoi, j'adore. MC4G avec Jérusalem. Julien Doré, que vous adorez, pour Julie, du côté d'Olivier. Salut Julie, un petit Julien pour toi. Coco Kaline, le remix. Et puis l'horoscope qui arrive dans quelques minutes. On adore Coucou Kaline. Et lui, si vous le trouvez, vous me le ramenez à la radio, hein. Ouais, c'est Spocky dans la radio. Vous me le ramenez tout de suite à la radio, hein. Bon, je sais pas ce qu'on va en faire, hein. Salut mon poteau Joël, Olivier, qui sont du côté de Saint-Y. Ils vont bosser, ma sur l'or. Bah ouais, il faut y aller. Christophe qui est là aussi. Et puis l'horoscope, juste après. Les Daft Punk, Get Lucky. C'est sur votre radio couleur. Belle journée, bon réveil. 7h50. Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Quel remix des Daft Punk, un hommage qui soit séparé. Get Lucky, on est heureux de vous retrouver. Les hommes casqués sont là le matin. Vous aussi peut-être, hein, de l'autre côté de la radio. Vous allez au boulot, au bord de votre bagnole là sur la tangentielle. Ouais, ça roule un petit peu ce matin, mais soyez prudents et soyez patients. L'horoscope qui arrive. Que va-t-il se passer pour vous? L'horoscope, c'est maintenant. Eh ouais, ce sera pas demain, ça c'est sûr. L'horoscope, on démarre avec les béliers ce matin. Vous aurez du mal à vous sentir bien dans votre peau aujourd'hui. Les taureaux, ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder trop longtemps. Vous pourriez avoir quelques désillusions. L'horoscope des gémeaux, un membre de votre famille pourrait avoir besoin de vous, alors aidez-le. Les cancers, petit plat mitonné, sorti culturel et agréable moment passé en famille. L'horoscope des lions, votre cœur semble en veilleuse aujourd'hui. Tirez définitivement un trait sur de passé, par exemple, votre ex. Ouais, ça serait une bonne idée. Les vierges, la vie de couple sera favorisée aujourd'hui. Conscient que vous avez un peu négligé votre partenaire, vous saurez le chouchouter aujourd'hui. Les balances, le climat astral vous poussera à vous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est super important. Faites de nouveaux projets. Les scorpions, si votre cœur est libre aujourd'hui, vous pourriez décider de vous engager sérieusement dans une relation de confiance et de longue durée. L'horoscope des sagittaires, vous vous sentirez agressé par votre entourage et vous aurez besoin de prendre un peu de recul, Bah oui, si tu recules, comment on va faire ce matin? L'horoscope des capricornes, Joël Ismar, je le sais. En famille, vous serez prête à faire des compromis pour éviter des problèmes. Eh ouais, c'est chiant les problèmes, vraiment c'est chiant. L'horoscope des Verseaux, la complicité qui vous lie à votre partenaire et son ardeur vous donneront des ailes, comme la fameuse marque de boissons énergisantes. Mais gardez au moins un pied sur terre. Les poissons, pour finir, le calme revient à la maison. Enfin, on va être peinard. Il suffit parfois d'une petite mise au point pour tout arranger. Ouais, une bonne baffe à l'ancienne. Des fois, ça fait du bien. Non, on rigole. Un peu d'humour le matin, ça vous fait du bien. En plus, je suis de vous marrer. Et Nicky Jam qui arrive pour le meilleur des souvenirs et Joyce Montana. On est en direct à la radio, bientôt 8h. Et on dirait avec des Jeux Olympiques tout à l'heure avec Christelle Chapiotin. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla. decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Y tú, debes te dar la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Que no se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. 7h56 minutes. Et Joyce Montana avec ma piqui, piqui. Je sais pas comment faire de lui, hein. Ouais, c'est Fonky dans la radio. Bah appelez-moi, hein, je sais pas, on peut le mettre, hein, si vous avez un endroit pour le stocker. Ça serait bien, mon petit Jojo. Ah, mon Jojo. Nicky VM qui arrive avec Camaleon aussi tout de suite. Et Mas Mas est notre invité dans moins de 15 minutes. Nicolas Son. Saint-Yves, Changy, on les salue. Salut à Stéphania aussi, à Orléans. Salut Francky, belle journée. Bah ouais, on est bien. Et puis le remix qu'on adore à la radio. Un remix des années 84. Il s'appelait Jean-François Maurice. Il faisait des grandes voix pour les plus grosses radios de France. Il a une voix de dingue. Voici 28 degrés à l'ombre. Le remix 2021, déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil. soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. Des souvenirs, le remix 2021, Jean-François Maurice, 1982. Une voix de radio officielle en France, mais quelle voix! Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Puis la météo pour aujourd'hui, on en parle tout de suite. La météo. La météo pour ce 27 juillet, le temps n'est pas terrible malheureusement, des nuages et encore des nuages, quelques gouttes de pluie malheureusement sur la région, mais cela devrait s'améliorer entre mercredi et dimanche, le soleil devrait faire son apparition, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nos invités viennent d'arriver, dans moins de 10 minutes ils seront en direct, on va parler de guêpes, de frelons, comment faire, alors quelles sont les solutions si vous avez ça chez vous, SOS, c'est un peu comme SOS fantôme, hein, on a la solution, mais là ça sera avec les guêpes, les frelons, en tout cas ils sont bien installés dans les studios au café. Et puis 8h30, notre journaliste officielle depuis Tokyo, elle sera là avec nos téléphones, c'est Christelle Chapiotin. Et ouais, qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. L'Orléanaise qui allait décrocher le bronze, hein. Ça, on va en parler avec elle tout à l'heure au téléphone à 8h30. Et puis du son Caliente, El Amante, c'est Nicky Yam sur Radio Concel. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted.

fais, je ferai ce qu'il me plaît. Mais quelle est la solution gay, prolong, nuisible? Eh bien, on l'a écouté. Une petite intervention, justement, du côté de la Sologne. Alors, une petite intervention. Donc là, on est dans un grenier, en plein milieu de la Sologne. Et là, on a un petit nid de frelons. On a la solution. Acidique, parce qu'encore tout petit. Oui, il est là. Tout petit. Et à côté, vous voyez, un autre nid. Donc là, on va traiter ça. Allez hop, un petit coup de produit. Donc voilà, la dose a été suffisante pour tuer 100% de la colonie. Et voilà, 100% de la colonie, retirer le nid de frelons, ils sont nos invités, on les accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. On les accueille en direct sur Radio Arc-en-Ciel, on vous souhaite une très très bonne journée, je suis vraiment heureux de les accueillir. Bonjour les amis. Salut Franck, merci de nous accueillir ici. Ça va, en pleine forme, pas trop dur le matin, non, habitué quand même. Bah le matin, non, pas trop, mais bon, ça, on est parti de bonne heure, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens, donc ça fait du bien d'être ici. Ça fait du bien aussi de donner quelques conseils peut-être à la radio, hein, aussi. Ouais, c'est ça, c'est des insectes qui sont mal connus, et parfois les gens font des choses qui sont un peu atypiques et prennent beaucoup de risques. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils. Voilà, quelques conseils, on va commencer les présentations, alors tu es qui? Alors moi je suis David, hein, je suis gérant d'une entreprise de la 3D. La 3D, c'est la désinsectisation, dératisation, désinfection. Notre métier, c'est gérer tout ce qui est nuisible. Il y en a pas mal. Alors, certains, on n'a pas le droit de les traiter, malheureusement. Ou les maltraiter. Ou les maltraiter non plus. Et ce qui est surtout important dans notre métier, et malheureusement, on a des confrères qui sont pas toujours sérieux, c'est qu'on doit être éco-responsable. On doit, c'est pas de l'eau de rose qu'on utilise, mais il faut essayer d'avoir le moindre impact possible sur l'environnement. C'est ça. Et ça, c'est de plus en plus, alors, à l'ancienne, on va dire, les anciens, ils faisaient ça un peu à l'arrache, on va dire. Maintenant, bon, il y a des protocoles qui sont concrets. Totalement, ouais. Il y a des protocoles, il y a des façons d'intervenir, il y a des produits qu'on injecte directement dans les nids. Voilà, nous on n'utilise pas de la bombe à gap, c'est de la poudre. D'accord. Et on a différentes poudres qui existent. Et certains utilisent des poudres qui ont une forte rémanence. Moi, le but étant d'avoir une courte rémanence. C'est-à-dire que mon produit, quand j'interviens, une heure et demie après, au ciel du soleil, il est détruit. C'est-à-dire que je détruis la colonie et après, je n'ai pas d'impact sur les abeilles ou autres. Voilà. On va en parler avec toi. Tu es venu aussi avec ton co-manager, c'est ça, manager? Non, c'est mon community manager. Ouais. Alors, si lui, juste bonjour, ça va? Salut, ouais, nickel. Ouais. Bon, lui, il est un peu timide, hein, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Lui, c'est la partie sombre de mon activité. C'est comme. C'est lui qui gère tous mes réseaux sociaux, ma page YouTube et tout. Alors, ce qui va. Une question déjà. J'ai Isabelle sur Messenger qui me dit, est-ce que c'est vrai efficace les produits qu'on trouve dans les supermarchés contre les abeilles, les frelons, déjà, pour commencer avec les abeilles, les frelons. Et ben pas du tout, ça marche uniquement sur ce qu'on appelle de la poliste. La poliste, ça ressemble à la guêpe, c'est des grandes guêpes avec des pattes, des longues pattes, qu'on reconnaît en général, le nid il est ouvert, on voit les alvéoles. Donc là ça marche, pourquoi? Parce qu'on arrive à traiter le nid directement. Vous faites ça sur de la guêpe, sur du frelon, vous risquez une grosse attaque parce que vous allez traiter que l'enveloppe, vous ne traiterez jamais la reine, vous n'arriverez jamais à avoir la reine. D'accord. Donc c'est très compliqué de faire ce type d'intervention avec une bombe et vous allez prendre un gros risque. Vous faites ça sur du frelon asiatique, vous faites attaquer par devant, vous faites aussi attaquer par derrière parce qu'ils battent leur appel et ceux qui arrivent derrière. Ah oui, ils attaquent de partout. Ah, ils défendent la maison. Ouais, on va parler justement de votre job qui est super intéressant et puis on donnera le lien et puis si vous voulez nous appeler à la radio, on vous donnera les coordonnées pour te joindre, hein, s'il y a besoin d'intervention. C'est vrai qu'en plus c'est l'été donc il y a beaucoup d'interventions, je suppose. Ça commence. Quel est le type de nuisibles que vous traitez le plus, par exemple, en cette période d'été? Alors, en cette période, bien sûr, c'est du, la guêpe et le frelon. Mmh. Bien sûr, mais par contre, en dehors de l'été, il y a aussi tout ce qui est rats, souris, lattes, cafards. Et punaises de lit, on m'a dit aussi que c'était dangereux, ça. Punaises de lit, alors c'est pas dangereux en elle-même, c'est pas source de maladie. Mais le gros problème avec la punaise de lit, c'est que c'est un insecte qui est au piqué la nuit. Et psychologiquement, les gens ne dorment pas. Je vois des personnes qui m'ont appelé qui dorment par terre dans leur cuisine de peur de ne, avec la lumière allumée, de peur de se faire piquer. C'est grave si on s'est piqué par une punaise. Il y a aucun danger. C'est pas vecteur de maladie, chose comme ceci. Mais sauf que c'est un peu comme dormir avec 200 moustiques dans sa chambre sans jamais les voir. Ah ouais, d'accord. Et ils attendent que tu dormes pour que tu te piques. Et c'est là où c'est vraiment psychologiquement, les gens m'ont appelé à 5h du matin. À 5h du matin. J'arrive pas à dormir. Viens mettre un coup de bombe chez moi. C'est ça. Comment je peux faire parce que personne n'a pas dormi pendant 3-4 jours. Et forcément, on réagit plus pareil que si on dort normalement, quoi. Justement, tu me parles de moustiques. Il y a une solution contre les moustiques. Est-ce que vous attaquez les moustiques ou pas? Parce que beaucoup de gens se font piquer. Moi, le premier, à côté de chez moi, à la Chingy, là, c'est horrible là-haut. Hein. Je rentre tous les soirs, j'en ai partout. Ah oui, j'ai des solutions contre. Il y a une solution ou pas? Franchement, dis-nous. Il y a des solutions qui existent, des systèmes. Alors, par contre, c'est pas. Je vous fais. C'est pas donné. On fait la location parce que l'achat du matériel est compliqué. Et la maintenance, on fait de la location d'un système de tunnel avec du CO2 et des phéromones qui vont attirer. Et là, on est capable de descendre la population sur le secteur de 90%. Ah d'accord, maintenant, carrément. Si c'est des points d'eau, je suis capable de traiter. On met toujours éco-responsable. On va mettre une fine pellicule d'un produit. Ah non, flamme, ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que l'eau, ça vapore, c'est tout. Non, mais j'essaie. Il y a des techniques non, à l'ancienne. Ça, ça marche pas. Ouais. Donc, on met une fine pellicule de produit sur l'eau et les moustiques ne peuvent plus se reproduire. D'accord. Alors, on va parler justement de l'été. Là, c'est l'époque, comme on dit, des frelons, des abeilles. Le frelon asiatique, qui est l'un des plus dangereux, je crois. Alors, le frelon asiatique, il est bon. Donc... Il est dangereux, pourquoi? Il pique déjà, peut-être. Il pique, mais surtout, il pique en groupe. C'est-à-dire qu'il ne vient jamais tout seul, il attaque toujours en groupe. Et c'est là traître où encore, c'est... les traîtres. Ah ouais, mais il défend la maison. Il défend la baraque, la reine, il ne faut pas y toucher, la reine. Hein, c'est ça. Une reine ou une roi, là-haut, chez les frelons? C'est une reine, pareil. C'est une reine. Et il faut savoir qu'ils ne vont pas attaquer, mais ils vont toujours se défendre. Donc ils vont, quand on s'approche trop près du nid, ils estiment que c'est une attaque, donc ils vont venir défendre le nid. J'ai des vidéos j'ai fait une chaîne pour expliquer aux gens un nid qui devient tout noir de frelons parce que je me suis trop approché. Une fois qu'ils estiment que le risque est vraiment trop dangereux, d'accord, ils viennent tous ensemble. Et le problème, c'est que le frelon asiatique, il est capable de voler à 40 km/h, il est capable avec ses mandibules de se tenir à votre t-shirt et de vous piquer plusieurs fois. D'accord. Quand il peut vous piquer, il vous pique plusieurs fois. Et c'est là où il est dangereux, le frelon asiatique. C'est qu'il va vous piquer plusieurs fois. Et la dose à chaque fois de venin qu'il vous met peut devenir dangereuse par rapport à la quantité. Alors qu'un frelon européen, il arrive, il tape, il s'en va. Et c'est point barre. Le frelon asiatique est réellement vicieux. Alors, votre boulot, vous faites quoi? Moi, je t'appelle. Demain, j'ai un nid. Moi, je sais pas ce que c'est. Je vois un nid, ça me fait peur. Qu'est-ce que vous faites? Alors, un rendez-vous déjà, peut-être? Tu m'appelles et on voit par rapport à déjà ce que tu vas me dire. Je vais déjà te dire à 99% ce que c'est que tu as comme nid. Et je vais donner déjà les protocoles pour éviter de toi te faire attaquer. Ouais. Ensuite, moi, je vais venir et je vais intervenir. Je suis capable d'intervenir dans toute situation. Sur un toit, sur un arbre. Moi, aujourd'hui, je suis équipé d'une perche de 30 mètres. Je suis capable d'aller chercher un nid à 30 mètres de haut sans aucun problème. Ouais, ça commence à faire haut. Et au-delà de 30 mètres, ou s'il est réellement inaccessible à la perche, j'ai en dernière solution, c'est réellement si j'ai pas d'autre choix, possibilité d'utiliser un paintball avec des billes d'insecticides. Un paintball, c'est une arme, ça? Comme au paintball, en fait. Comme au paintball, mais au seul lieu que ce soit des billes de peinture, c'est de la bille d'insecticide. Ah, d'accord. Pour aller directement contaminer le nid à l'intérieur de produits. D'accord. Après, s'il y a besoin de découvrir la toiture, je vais découvrir. Je suis capable d'utiliser des caméras avec un retour vidéo pour aller savoir exactement où je suis. Donc le but étant la première chose à faire, c'est surtout de détecter le problème et pouvoir traiter le problème. La personne qui arrive, qui a déjà sorti tout le matériel avant de vous avoir dit bonjour, vous lui dites non, vous lui dites de repartir. Ouais, parce que alors le premier réflexe des gens, c'est quoi? Ils voient un nid, ils vont chercher des bombes à côté au supermarché, 3-4 bombes, ils en mettent et puis là d'un coup ils sont envahis et ça va plus. Et là ils sont obligés de t'appeler. Ça va plus. Et alors je préfère qu'ils m'appellent avant parce que je quitte de me faire attaquer parce qu'une fois qu'on a mis un coup de bombe, ils vont prendre la forme humaine comme un danger. Donc moi, j'ai vu quand certains clients, j'arrive, j'ai à peine mis la tenue, je commence à m'approcher, je me prends une attaque. Ouais. Je vais voir la cliente, vous avez mis des bombes ? Oui, oui, j'ai mis un coup de bombe. Ok, je le sais, pourquoi ? J'ai mis 5 bombes. Et il faut savoir que les bombes sont très dangereuses. J'ai un collègue qui a eu un de ses clients qui a eu un problème. Un coup de bombe de frelon dans un grenier. Ouais. Et la personne, on lui a dit après d'aller vérifier qu'il n'y avait rien. Il est monté avec une lampe halogène. Et ça fait une étincelle et la maison a explosé. Ah mince, ouais, bah. Donc soyez prudents, écoutez bien les conseils d'un professionnel qui est là, notre invité ce matin. La bombe, c'est vraiment à utiliser en extérieur, c'est en milieu confiné, ça devient explosif. Donc il peut y avoir un très gros risque. La personne est partie en hélicoptère. Ah ouais, quand même. Donc alors la meilleure des choses, comme tu le dis, donc si vous voyez un nid dans votre grenier, dans je sais pas n'importe où, c'est de fermer peut-être et d'appeler. Voilà, identifier le problème, délimiter la zone et après m'appeler. Suivant ce que la personne va me décrire, je vais lui dire. Moi, ça n'est jamais déjà arrivé. Hein, des personnes qui m'ont appelé, j'ai un nid qui ressemble à ça. J'aurais dit, ok, c'est de la police, ce n'est pas de la GAP, donc de la police stop. Ah, police, la police, c'est les flics qui étaient cachés là-haut, ça peut arriver. Ils ne viennent pas là-haut. Ils se planquent des fois. Donc voilà, donc moi j'ai expliqué, j'ai dit oui, moi je veux bien venir, sauf que l'intervention, c'est pas gratuit. Hein. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, sinon on ne vit plus. Ça vaut entre 110 et 200 euros après une intervention. Ça dépend du nid en fait. Ça dépend du nid, comment il est situé, s'il faut aller chercher à 30 mètres de haut, forcément, il n'y a pas le même matériel à mettre en place. Donc moi j'ai dit à la personne, oui c'est de la police, si vous voulez que je viens. Sauf que vu ce que c'est, vous achetez une bombe, voilà le protocole que vous faites, et derrière ça va bien se passer. Je suis pas là que pour prendre de l'argent, faut arrêter. Ouais, faut expliquer les choses aussi. Faut d'abord expliquer les choses, et si c'est réalisable par soi-même, et faites-le vous-même, madame, vous faites attention. Si vous en sentez pas capable, je viendrai, il n'y a aucun problème, c'est mon métier. Moi, j'ai pas peur de ce type d'insectes. Alors, l'équipement, on équipe comment quand on va affronter un nid ? Alors, l'équipement, c'est vraiment une tenue de combat intégrale. Ouais, on le voit, c'est un scaphandrier, quoi. Ouais, totalement. Bah, le dard d'un frelon asiatique, c'est 6 mm. Hein. Ah ouais, donc faut un truc épais. Ouais, faut un truc épais. Et on a une visière. Avant, on n'avait que des grilles. Maintenant, avec le frelon asiatique, on a une visière. Parce que le frelon asiatique est capable de projeter son venin. Donc, dangereux quoi. Ouais, là, donc on peut sortir. Alors, pas forcément dangereux, mais d'en avoir dans les yeux, c'est pas super agréable. Donc nous, on a des visières de protection. Et j'ai fait certaines vidéos où volontairement j'ai été chercher du frelon asiatique et j'étais au combat, on va dire. Au combat. À la guerre. Pour expliquer aux gens comment ça se passe et pour voir que c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin un frelon asiatique. Ouais. On n'y va pas avec au fusil de chasse parce que ça ne marche pas. Non, calmez-vous, sortez pas le fusil à pompe. Hein, mais il y en a qui le font des fois. Il y a un protocole sur internet avec 4 fusils à tirer en même temps simultanément. Ouais. C'est un truc. L'enflamme, ça marche pas non plus parce qu'il y a des. Je dis du lance-flamme, c'est à l'ancienne, mais les brûleurs, de gaz là. Ouais, sauf que le brûleur de gaz, il faut approcher, et le temps que tu t'approches, t'es chopé avant. C'est ça. Parfois, on est à 20 mètres, on se fait attaquer. Hein. Ouais, donc d'accord. Le lance-flamme pouvait avoir une grande portée. Non, c'est vraiment quelque chose. Donc, sécurité avant tout. C'est la première chose. Vous intervenez sur la région, à combien de kilomètres à peu près? Je suis à Blois. J'interviens sur Blois, j'interviens sur tout ce qui est 45, 41, 18. Alors, la région d'Orléans, j'interviens sur le Romorantin, Blois, tout le secteur-là. Voilà, c'est grosso modo Orléans. Orléans, la grosse, la com d'Orléans, quoi. Romorantin, Blois, ça me donne à peu près mon secteur géographique. Maintenant, moi, je fais partie aussi d'une association. On va en parler alors. Voilà. J'aime bien les associations. Voilà, les experts guêpes et frelons. On est une association d'entreprises françaises. On s'est monté tout seul parce qu'on en a marre de voir des mecs qui font n'importe quoi. On a des peintres dans le domaine. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent des pistes de la peinture et ils mettent de la poudre comme ça. Ah ouais, comme ça. C'est hallucinant. Il faut protéger ces petites bêtes aussi un petit peu, non, quand même. Voilà. On a besoin de tout ça. Même le frelon est utile. Il sert à quoi le frelon ? Il tue les araignées, tout ça, peut-être, non ? Non, le frelon, il est là pour ouvrir les fruits, pour que d'autres insectes puissent se manger. Ouais, il arrive, il fait les courses, il ouvre, tac, il ouvre la. Et on sert. Voilà, c'est lui le vigile de la. Comme dans le discours. Ouais, il est la sécurité, quoi. Voilà, tu passes pas, il ouvre. Après, pas de basket, pas de casquette, le frelon. C'est ça. Et donc voilà, c'est son utilité. Donc maintenant, on le détruit que si nécessaire. Un nid de frelon qui est en plein milieu des bois, on le garde. Bah, bien sûr. Il a une utilité. Celui qui est dans la cheminée, on va pas le garder. Celui qui est dans le grenier. Ah bon, on peut allumer la cheminée après. Après, on peut. C'est un bon plan ou pas? Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on les rend agressifs. Ah ouais, d'accord, ok. Et même après un traitement, il faut systématiquement qu'il y ait eu un ramonage de fait derrière. Mais ça, je le précise à mes clients. Fais gaffe quand même. Et pareil, un mec qui vous demande 50 euros pour un nid de frelon, sauvez-vous. Sauvez-vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est. Il y a une arnaque. Ouais, c'est pas qu'il y a une arnaque, c'est que le mec, il fait ça en loisir. Et on peut pas vivre avec 50 euros même en automne. Ah oui, bah, tu m'étonnes, les frais et tout, faut être honnête, le matos, les charges. Voilà, le mec qui lui dit, ouais, je fais ça pour 50 euros. Ouais, c'est mort. C'est mort, le mec, il sait pas faire. Fuyez-le ! Il sait pas faire, il achète le produit le moins cher possible et il va en mettre n'importe où, n'importe où. Alors, ceux qui ont des maisons qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont le problème ce matin, on va vous donner le lien et puis les coordonnées si vous voulez m'appeler à la radio et je mettrai tout ça en ligne. Pourquoi les frelons, les guêpes et que les abeilles aussi font des nids dans les coins, dans les maisons, dans les greniers, dans la cour, sous les toits, c'est quoi? C'est une protection, c'est une manière de se cacher, ou dans les murs même, hein, j'ai vu dans des murs carrément, dans des parpaings. Ouais. Moi j'ai eu le cas dans mon établissement, dans un parpaing, ils étaient rentrés, ils nous ont fait un nid là-dedans. Ouais, bah ils essayent de se mettre en sécurité et dans le parpaing on va pas les déranger pour pas protéger le nid, hein, le but étant d'être à l'abri. Mmh. Donc dans le parpaing ils sont tranquilles, ils peuvent vivre leur vie tranquillement. Et derrière, par contre ça nous dérange quand nous on essaie de s'approcher. Bah, comme toujours, ils vendent, ils protègent la maison. C'est ça. Je vais te parler une petite anecdote que j'ai fait beaucoup l'année dernière. Ah, tu m'as volé la question, je voulais une anecdote, une bonne et une mauvaise. Ben, vas-y. Voilà. L'année dernière, une fois par semaine, on m'appelait parce qu'il y avait des frelons, des guêpes qui étaient rentrés dans la maison. Mmh. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés derrière le placo. Et petit à petit, les gens l'entendaient, n'ont pas prêté attention. Ça y est, je ferai ça demain. Et puis en fait, ça grossit. Ça grossit jusqu'au moment où ça a percé le placo. Et j'ai eu des trous parfois qui faisaient 40-50 cm dans le placo qui a été fait par les guêpes. Et moi je l'ai eu, hein. Moi je suis honnête, hein. J'ai un établissement à Chingy. Mmh. Ils ont percé le placo, ouais. Et ils sont venus carrément s'installer là-dedans. C'est un truc de fou. C'est hein. ça. Donc, j'ai mis un coup de plâtre. Ouais, mais en général, il faut traiter comme avant. Et ouais, donc j'ai eu. Je suis un fou, moi. J'ai appelé le videur, il me les a virés tous. Les baskets, ça passe pas. Ouais, il y a une abeille qui est en basket, hein. Vous pouvez pas rentrer là-dedans. Ah, c'est interdit. C'est interdit. En tout cas, beau métier, on va parler tarifs si tu veux, si ça te dérange pas, avant d'avoir des anecdotes. C'est une intervention avec toi, par exemple, tu dis ça dépend du matériel, c'est entre combien et combien? Combien ça peut coûter? Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, demain, il dit, tiens, j'ai une maison, il a un problème, là, il va faire appel à tes services, à peu près. Aujourd'hui, pour de la guêpe ou du frelon, si on est à hauteur d'homme, on va dire, j'ai une perche qui fait 1 mètre, j'utilise cette perche, il faut compter 110 euros TTC. Ouais. J'ai de la TVA, je suis une entreprise. Si on est sur une grande hauteur, je vais utiliser la perche, là, on va être en TVA 20%, c'est 156 euros. Si je dois utiliser le paintball, forcément, les billes coûtent très cher. Ouais. On va tourner aux entours de 180 euros TTC. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est sur de la guêpe et le frelon. Pour de la blatte, il faut compter une centaine. La blatte, ça, c'est pas beau, de la blatte. Hein. Ouais, mais quand on a de la blatte, c'est pas bon signe en général. Hein, si ouais, pas forcément. Si ça peut être quelque chose qu'on a ramené d'Afrique. D'Afrique ou chez le voisin. Voilà. Ouais, c'est ça, les blattes. Voilà, on croise le voisin et malheureusement, il en a chez lui, on en ramène chez soi. Parce que ça se reproduit vite, ça. Ça se reproduit très vite, mais ça se gère très facilement avec nos produits. Hein, ça se gère c'est plus facile de traiter les blattes que les frelons et les guêpes. Non, c'est pareil, mais les produits grand public en général sont quand même, il y a une limite d'efficacité là-dessus. Stéphanie qui dit, vous traitez aussi les nuisibles, les rats. Alors les rats, elle a eu des rats chez elle, et c'est horrible, elle m'a dit. Est-ce qu'on a du mal à s'en séparer des rats? Non, c'est avec les nouveaux produits, on peut s'en séparer relativement facilement. Mmh. Et on a différentes méthodes. Aujourd'hui, on peut traiter avec du chimique, bien sûr. Fusil à pompe. Fusil à pompe. On peut aussi. Ça fait un peu des trous dans le mur après. Elle déconne pas, elle est pas chercher le fusil ce matin. Ah ouais. Ça fait des gros trous. Après, non, on a surtout des pièges à mâchoire. Parce que le problème, si on prend du produit chimique, c'est que si le rat meurt dans le placo. Ça pue. Et un rat qui meurt, je vous le dis, ça pue. Moi, j'ai déjà l'occasion dans quelque part. Mais c'est pas grave, ça me permet de vendre du destructeur d'odeur. Ah, c'est ça, ouais. Ça existe, le destructeur d'odeur? Ouais, j'en ai. Ah ouais, d'accord. J'ai eu un cas dans un pool house où ça puait le rat parce qu'il y a eu beaucoup de rats morts. Mmh. On a vidé une bombe destructeur d'odeur. Le lendemain, ils sont rentrés, il n'y a plus d'odeur. Voilà. En tout cas, des bonnes solutions. Donc, tu disais entre 110 euros à peu près l'intervention, ouais, jusqu'à 110, combien 110, ça monte 180 euros pour de la guêpe et les frelons. Après, le rat, tout dépend du nombre de passages et l'infestation. Ouais. Et la punaise de lit, il faut compter 4 euros du mètre carré et 70 euros de déplacement mis en place du protocole. Pour la punaise de lit, maintenant, on a des choses qui sont sympas, je suis capable de faire intervenir. C'est vrai que c'est un peu la mode, entre guillemets, les punaises de lit. Ah bon, aujourd'hui, ouais. La punaise de lit, ils estiment qu'il y a 10% des logements parisiens qui sont infestés. Hein. Ça arrive d'où? Ça vient d'où, la punaise de lit? La punaise de lit est arrivée d'Afrique et passée par les États-Unis. Ils ont fait de la route. Ils sont passés États-Unis, Canada pour. Ils sont crevés maintenant aujourd'hui. Attends, ils arrivent en France, c'est comment, les punaises? Ils sont super actifs. Et historiquement, la punaise de lit a été retrouvée au niveau paléontologique. Elle se nourrissait du sang de la chauve-souris. Ah ouais, on est mal. Hein. Ouais, l'homme est venu investir les grottes pour se protéger à l'époque. Mmh. Et c'est là où ils sont, ça a été transféré de la chauve-souris. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Bon, on en apprend bien beaucoup ce matin. Et aujourd'hui, moi, donc, je suis capable de faire venir un chien détecteur de punaises de lit. Un chien. Un chien. Ah, carrément, il sniffe. Ouais. Il sniffe la punaise de lit pour le trouver. C'est bien ça. Moi, je suis capable aussi. Moi, je suis certifié hein, punaise de lit. Hein. D'accord. C'est bon à savoir. Vous voyez, si vous avez des punaises chez vous de lit, bah voilà, il est là aussi. Et c'est un fléau. Et je suis capable de venir avec un détecteur aussi. Je pense que tout le monde a détecteur de punaises. Ouais, tout le monde a vu. Je sais même pas que ça existait. Les experts à la télé, Miami. À la télé, tout ça. Et ils viennent avec le Blue Star Cinex. Le Blue Star, ouais. C'est le produit qui permet de détecter les taches de sang. Ouais. Et c'est exactement le même produit, c'est le même fabricant. Et je vais détecter les déjections des punaises de lit pour réussir à les localiser. Ah, ça fait caca des punaises de lit. Et comme ça a mangé du sang, en général, ça fait du caca du sang. Ah d'accord. Bon bah, donc, ça permet de détecter. Bon petit déj ce matin si vous êtes dans la cuisine là. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Il faut en parler hein, en étant direct, hein, mon ami. Et bien ce matin, je pense qu'on en a appris pas mal. Je vais vous mettre le lien et puis les coordonnées si vous voulez nous appeler à la radio 02 38 43 48 00. N'inondez pas le standard, il y a que 3 lignes. Et on vous donnera tes coordonnées. Hein, voilà, et puis il interviendra s'il faut intervenir. Hein, mm-hmm. Avec plaisir. Vous arrivez de quelle ville, les amis? Moi, je suis de Vouzon. Vouzon. Oh là, vous avez fait de la route ce matin, là? Il y a 35 minutes. Ouais, ça va, la tangentielle, ça roule bien? Non, même pas. Je peux aller en centre. Ah ouais, ok, ouais, bon, bah voilà. Bon, on en sait plus ce matin. Merci d'avoir été nos invités. 8h30. Merci, c'est un grand plaisir et je reste disponible, même si un jour tu auras un autre reportage sur autre chose. On aura peut-être besoin de tes services, ça se trouve, ouais. Bientôt. Et puis, pareil, je fais aussi, s'il y a besoin, tout ce qui est contrat pour les restaurants, les hôtels, tout ça. Ah ouais. En contrat annuel, en rat, souris et tout ce qui va avec. Ça, c'est super important. C'est obligatoire. Parce que des fois, il faut être honnête, hein, y a des restos, des hôtels qui ont des rats, mais c'est pas parce que c'est dégueulasse, c'est parce que ils aiment bien squatter. Il y a de la bouffe, c'est ça, non? Bien sûr. Puis ils ont vu qu'il y avait des choses intéressantes, forcément. Mmh, la bonne farine. Mmh. Les restaurants, c'est forcément que ça fait du déchet. Ouais, c'est ça. Des déchets pour eux, c'est pas perdu. Voilà. Donc au moins, ils vont les bouffer. C'est ça. Merci les amis. Merci bien à toi. Ça me fait plaisir. Nos invités, je vous mets les coordonnées là tout de suite sur le Facebook. Vous allez pouvoir les contacter, ces F22, en direct ce matin, dans quelques minutes, en direct des Jeux Olympiques. Eh ouais, Christelle Chapiotin, notre journaliste officielle à la radio. Comme Bonnie and Clyde, j'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prêt à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors, on va où? On fait quoi? Chocolat, chocolat, chocolat. chocolat, chichi, chouchou. Non, elle est avec nous au téléphone. Ouais, non, non, elle était avec nous au téléphone. C'est Cliché Chapiotin qu'on va retrouver dans quelques minutes. Direction les JO avec Mademoiselle Chapiotin en live sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 8h37 minutes, on est en direct avec Christelle Chapiotin. Bonjour Christelle. Bonjour. Ah, j'adore quand on a du réseau que ça se passe bien. Ça va? Oui, ben ça va mieux là tout de suite. Ça va mieux qu'hier. Hein. Hier, ouais, la technologie fait que. Ben, j'adore la Sologne parce que je suis originaire de Sologne, mais le problème c'est qu'effectivement, en plein cœur de la Sologne, le téléphone c'est pas facile. Mais et ouais. Bien, on est en pleine nature, mais pas, voilà. Pas là, je suis fixée quelque part où normalement on devrait rester en contact. Eh ben, en tout cas, on te reçoit 5 sur 5 depuis Cognac G à l'ancienne. Comment tu vas bien? Bah écoute, ça va, moi j'ai vibré hier, on avait parlé en plus, tu vois, je le sentais. C'est vrai. Manon Brunet, je la sentais sereine, je la sentais bien. J'ai eu un peu peur comme beaucoup de monde quand elle a perdu sa place, son match en demi-finale. Ouais. Mais c'est super bien fini, et franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais. Et ouais, Manon, l'Orlanaise qui a décroché le bronze hier. Ouais, c'est ça. En fait, Manon, elle est bien connue parce que tous ceux qui aiment le sport suivent, je pense, la Coupe du Monde de sabre à Orléans. Et Manon, elle l'a gagné en 2019. Bon, l'année dernière, forcément, comme tout le monde le sait, il n'y a pas eu de compète. Mais Manon, elle est tenante du titre hein, sur la Coupe du Monde à Orléans. Et puis, hier, elle a fait une belle médaille de bronze qu'elle est allée chercher parce qu'elle était tellement démobilisée après sa défaite en demi que. Fallait rebondir, quoi. Fallait aller la chercher. Elle l'a fait. Elle a été super bien entourée, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Et c'est cool, quoi. Enfin, franchement, je sais pas. Si on a senti l'émotion hier hein, avec Manon. Hein. Ah ouais, clairement. Et puis en plus, il y avait tout le monde autour. Même toi, tu m'as dit, ouais, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai tout brûlé chez moi. Ah oui, mais moi, de toute façon, c'est une catastrophe, moi. Tu me mets, même devant des gens que je connais pas. En plus, maintenant, je la connais un peu, donc c'est encore plus fort, du coup, parce que c'est quelqu'un que t'as vu avancer. On l'a vu gamine arriver à Orléans, hein. Elle était en sport-études à Orléans, Manon, donc on l'a vraiment vu évoluer et grandir, quoi, clairement. Ouais, c'est comme Cécilia Berber, hein, d'ailleurs. Eh hein. Ouais. Donc des beaux résultats qui commencent pas mal pour la France quand même. On démarre plutôt serein. Ah, moi je trouve ça bien. Après, encore une fois, je connais pas tous les sports, donc c'est compliqué de te dire on est bien, on n'est pas bien. Après, je prends comme ça vient, je regarde. Là, tu vois, je suis sur le BTT et Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte qui sont les grandes favorites. Elles sont pas devant, mais ça remonte. Mais tu vois, je les connais pas, mais je suis les gens qui, mes voisins doivent avoir peur hein, quand je regarde les tu cries pas dur. Toujours, hein, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu découvres et ça fait découvrir des sports qui sont pas forcément médiatisés. Tu vois, d'habitude, on parle beaucoup foot, etc. Foot, basket, là, ces sports-là, ils sont pas forcément mis en avant. Enfin, c'est pas les sports dont on parle le plus forcément au jeu. Donc c'est bien, ça permet de découvrir d'autres activités. Je te parie ce que tu veux qu'à la rentrée, il y aura beaucoup plus de licenciés en escrime. Justement, ouais, en escrime, en judo aussi, ça marche pas mal. Et souvent, le JO, c'est une vitrine pour ces sports-là, et ça, c'est cool parce que parce que ça permet de bah, les jeunes. De plein de disciplines sportives, quoi. Puis en plus là il y a les nouveaux, il y a les nouvelles disciplines comme ouais. l'escalade, comme le skate, comme tout ça. Et bon, le problème c'est qu'il faut se lever la nuit ou pas. Ah, c'est ça. Est-ce que tu penses que le problème il est là aussi, les gens s'intéressent peut-être moins aux JO parce que bah la nuit il faut se lever et bah c'est pas facile à 3 heures de regarder le surf par exemple. Ouais, bah après le souci c'est ça, c'est que si t'es pas déjà pratiquant du sport, je suis pas sûr que tu mettes le réveil pour regarder. Ouais, le mec qui fait full sport, je le vois mal mettre le réveil à 3 heures. Ça. C'est ça. Après, le souci, c'est ça. C'est que si tu connais pas le sport, si tu connais pas les athlètes et que tu as envie de les suivre vraiment, je suis pas sûr que, à part si tu reviens d'une sortie, je sais pas, genre la boîte à pizza, tu vois. Et, le bar à pizza, pardon. Et, voilà. Mais je veux dire, c'est, je suis pas sûr qu'effectivement tu mettes le réveil exprès pour aller regarder du sport que tu connais pas forcément. Ça, c'est sûr. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines heures? T'as quelques news qui arrivent, là? Ben, on a le judo avec notre porte-drapeau, là, qui est sympa, qui va être sympa à suivre. Je vais la suivre. Et puis, ben, il y a la gym avec la petite tourangelle dont je parlais hier. Là, c'est l'équipe de France qui est en finale et je crois que c'est 12h45 de mémoire. Ah, bon, ça va, c'est plus correct, on va dire, sur l'heure. Ouais, là, c'est bon. C'est pour ça que pendant le repas de midi, là. Ouais, vous allez pouvoir mater les JO à midi. Ouais, et puis là, le VTT, c'est en train de se faire, donc ceux qui sont encore réveillés, c'est sympa. Enfin, franchement, on a les Françaises sont en train de remonter. Enfin, j'ai pas tout vu, mais je sais que Pauline Ferrand-Prévot était en train de remonter. Et puis, ben, au niveau de la région, à part Carola Nedui qui est en équipe de France de gym, les autres, pour l'instant, il n'y a rien. Pour info, ceux qui suivent l'escrime, notre médaillée sera à nouveau sur la piste avec Cécilia Berder et ses copines de l'équipe de France à la fin de la semaine pour une compète par équipe. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, par exemple, pour l'escrime, c'est qu'il y a plusieurs armes, plusieurs disciplines aussi, parce que t'as l'individuel, t'as le par équipe, donc quand tu connais pas, ça peut être un peu confus. Ouais. Mais voilà, ça permet de découvrir tout ça, donc voilà, en fait, pour info, l'escrime, de mémoire, le sabre féminin par équipe, c'était samedi. Samedi. Et puis là, aujourd'hui, VTT, gym, il y a plein de choses. Il y a du kayak aussi, j'ai vu. Enfin, du slalom canoë kayak. Slalom kayak. Pauline Ferrand-Prévot, elle est quatrième, tu vois. Elle est en train de remonter. Elle est tombée sur un truc, sur une montée, sur des pierres qui glissaient. Le vélo est parti, elle aussi. Enfin, bref. Elle aurait pu se faire mal, mais elle est repartie. Mais je la vois, là. Presque de faire le commentaire en direct. Allez, vas-y, juste pour rigoler, fais-le un petit commentaire. Je suis pas où elles en sont, mais elle est en train de manger des adversaires, là. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle met pied à terre, là, mais pour monter, parce que la côte est difficile. Ouais, voilà. Et les commentateurs disent comme moi, formidable. Ah bah voilà, tu vois, ils copient Christelle Chapiotin. En tout cas, ça démarre plutôt pas mal pour les JO malgré le Covid. C'est ça qui est plus compliqué après, en ce moment. J'ai entendu hier Anaïs Michel qui est pareil, est connue dans la région parce qu'elle est, c'est une haltérophile qui a été licenciée à Blois à un moment et qui a laissé de bons souvenirs, je pense, à Blois et dans la région. Et elle expliquait qu'au niveau des athlètes, eux, ils avaient quand même cette ambiance JO. Donc ça, déjà, c'est bien pour eux parce qu'ils sont quand même dans ce truc JO avec le village olympique. Ouais. Elle disait qu'il y avait beaucoup de mesures sanitaires, ce qui est normal, hein. Mais elle disait qu'elle avait quand même trouvé cette ambiance JO. Donc si eux, ils sont quand même dans leur élément, dans leur bulle, du coup, c'est bien. Après, le souci est toujours le même. C'est que là, justement, on parlait des sports co tout à l'heure. J'ai regardé un peu du match de foot. Le basket aussi, j'ai vu que le basket c'était pas mal. Ouais, le basket masculin, ils ont tapé les États-Unis, c'est vachement fort. Mais justement, quand tu fais ça dans une telle ville, pour eux ça doit être un peu bizarre quand même. Tu m'étonnes, parce que les Américains sont quand même assez balèzes en basket. Ah bah, normalement c'est la référence. Ouais, c'est clair, États-Unis basket, normalement c'est l'équipe à battre. Et apparemment il y en a beaucoup qui la battent. Donc peut-être qu'il a perdu un peu de son éclat, je sais pas. Après, je l'ai pas vu ce match-là, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'étais pas sur devant la télé à ce moment-là et je l'ai pas vu, mais je sais que ça a vibré pas mal, ouais. Ouais, en tout cas, ça vibre. Mais c'est sûr qu'après, le côté manque de public, il joue, mais bon, si les athlètes, eux, ils arrivent à être dans leur élément et vraiment se sentir au jeu, pour eux, c'est vachement important. Ouais, ils c'est ça. Pendant des années pour ça. Mais c'est vrai que quand il y a du public, quand on t'emmène, quand il y a de la voix, quand il y a du bruit, c'est vrai que ça motive aussi, faut être honnête. Ça t'emmène, même nous, à notre petit niveau, quand on a des supporters, ça fait plaisir. Ouais. Donc imagine le sport de haut niveau dans des salles remplies. Ouais. Mais là, ce qui est bien, tu vois, c'est que le VTT, c'est en extérieur. Et alors, il n'y a pas la foule des grands jours, mais tu as quand même du monde. Je vois à peu près du monde sur tout le parcours. Donc, je pense que c'est beaucoup le team, le staff. Mais mais t'as un petit peu de monde quand même. Et après, ce qui est sympa, et ouais, ça, je l'ai entendu, c'est que quand t'es justement dans une salle vide, t'entends vraiment les discours des entraîneurs, des copains, et ça, c'est cool. Ça, les consignes. Exactement, d'habitude, tu ne l'as pas. Ah ouais. D'habitude, tu l'as pas. Là, tu vois, je regardais justement l'escrime hier. C'est ouais, rigolo parce que justement, quand elle a, sur la demi-finale perdue, Manon, qui était un peu, elle était pas bien, on a entendu Cécilia Verdère qui l'encourageait comme elle sait si bien faire. C'était rigolo. Parce que ça, tu l'entends pas quand il y a le cri du public derrière. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as ce côté-là qui peut être intéressant aussi, c'est que t'entends les entraîneurs, t'entends les partenaires quand il y a des remplaçants autour et tout. Et voilà, ce côté-là, il peut être intéressant pour voir un peu ce qui se dit en interne, quoi, finalement. C'est vrai. Et ça, c'est super important. Et c'est, et pour l'adversaire, ça peut servir s'il entend les consignes. Ah, je pense que lui est de son côté aussi. Hein. Là, dans les trucs comme ça, je suis pas sûr qu'il ait le temps d'aller. À moins qu'il y ait des espions, des espions spécifiques, mais je suis pas sûr. Mais pour nous, ça peut être sympa parce que c'est des petits trucs que t'entends pas toujours. Bon, moi, je t'avoue que des fois, je l'entends quand on est en tribune des presses ou quand on est vraiment proche sur la Coupe du Monde d'Orient. Souvent, on est proche des gens, donc on entend un petit peu ce qu'ils disent. Mais le public, c'est vrai que c'est rare qu'on puisse entendre les conseils, les consignes. Et en plus, c'était vraiment important pour Manon hier. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir aussi pour l'Orléanaise. Manon qui a décroché le bronze hier à l'escrime. Ouais, bon. Et puis, du coup, il faut dire aux gens qu'il y a la Coupe du Monde. Alors, en général, c'est en novembre. J'ai pas la date de l'année qui vient, là. Mais la Coupe du Monde de sabre à Orléans, vous aurez toutes les filles qui ont fait les Jeux Olympiques féminins, elles seront là-bas. Hein. Et ouais. Manon Brunet et Cécilia Bernard. Donc, on ira les voir, on ira ensemble si tu veux, Christelle. Je vais surveiller. En tout cas, nous on te surveille de près et puis on remercie de nous relater un petit peu ce qui se passe sur les JO. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone, Christelle Chaplatin. Mais écoute, ça fait plaisir aussi. Je vais essayer de regarder un peu les autres sports parce que là, c'est vrai que je suis sur les gens que je connais bien. Et après, moi, j'aime bien l'escrime. J'ai découvert ça par mon boulot, justement. Et j'avais eu du mal au départ avec toutes ces armes dont je te parlais, là, parce que tu te disais, mais pourquoi elle a été à plat? Pourquoi elle a été à plat? Et ils expliquent vraiment très bien les trucs. Et du coup, ça permet vraiment de découvrir les sports. Et là, il faudrait que je m'intéresse un peu à ceux que je connais pas, je t'avoue. Ça serait bien, Pourquoi pas? Ouais, je regarde ça. Mais là, le VTT, c'est sympa. Hein. Là, en plus, Pauline Ferrand-Prévot, pour la petite anecdote, est toujours quatrième. Attends, elle est en train de passer. Mmh. Je vérifie hein, quand même. Regarde, si elle passe devant tout le monde. Hein. Bah, elle passe pas devant tout le monde pour l'instant. Ah, non, puis là, elle a pris du large. On en parlera. Les plus qui sont devant au VTT féminin, dis donc. On en parlera cette semaine avec toi, ma Christelle Chapiotin. Bon JO à toi. Ben oui, je regarde le vélo, puis je mange, là, tout va bien. Et ben bon appétit, alors. Merci, Christelle Chapiotin. C'était petit déjeuner. À bientôt. À bientôt. Salut, Christelle Chapiotin, en direct. Salut. Et ça me fait plaisir qu'elle nous relate tout ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Allez, les bons souvenirs avec Leon Rimes et Can't Fight the Moonlight. The sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well, just wait until the sun goes. You can try to resist. 51 minutes sur l'arc-en-ciel avec le meilleur des souvenirs. Ça, c'était la bande originale du film Coyote Girl. Moi, en plein de ce film où la fille a dansé sur le bar, elle s'est fait découvrir un talent de danseuse. Merci à Christelle Chapetin, notre reporter exclusif Tokyo pour les Jeux Olympiques, qu'on aura toute la semaine hein, et qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe en direct. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, il est encore là. Bah, il est encore là, lui, là. Ouais, c'est Foxy dans la radio. Bon, il a un problème. Hein. Si vous me le trouvez, vous me le ramenez à la radio. Hein. Un peu de douceur, histoire de vous porter à la porte du bureau ce matin en direct 96.2 FM, c'est la radio couleur. On vous souhaite une très bonne matinée. Côté météo, c'est pas terrible. Hein. Le ciel est gris aujourd'hui. Eh ouais, eh ouais. Je t'aime. Oui, je t'aime. Voici Love Me Like You Do. Avec Love Me Like You Do, Ellie Goulding, la version Kizomba, et puis Florent Amigo, qui a un petit message aussi à nous faire passer. Écoutez. Les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel 96.2, vous allez retrouver le podcast ce soir de l'émission de Francky. Voilà, il est sympa notre petit Florent Milo qui nous fait tous les podcasts de la radio. Heureux d'être là, c'est Francky. Et puis du son caliente, on se quitte à 9h, RDP International qui arrive. Ou alors Lionel, ça dépend. On est en live, bientôt 9h. Et j'adore cette fille, Cake Alor, en 2004. Côté radio, il y a un truc qui est sympa, c'est les invités, quand ils viennent, bah, ils parlent de leur job, de leur sport, de leur musique, et puis ils amènent des petites gâteries. Bah ouais, ce matin, merci à vous les gars pour les petits pains au chocolat, les petites gâteries, les stylos aussi, ils vont faire des stylos sympatoches, vraiment des gens super, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens sur la planète qui sont gentils. La version French de Despacito et RDP International qui arrive au Portugal. C'est déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser. M'inscrire sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Que

Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Saem as medidas para a Covid, há agora concordância entre os peritos de que existem condições para aliviar restrições, mas mantendo as cautelas e os certificados digitais. Nesta reunião do Infarmed vão estar a possibilidade de acabar com as restrições de horários na restauração e no comércio aos fins de semana, a possibilidade de acabar também com o uso obrigatório de máscara na rua, a hipótese de pôr fim aos isolamentos profiláticos para vacinados e a possibilidade também de se reabrirem bares e discotecas, mas apenas para quem tiver certificados digitais, o testes negativos. Uma alteração da matriz de risco que contemple a nova realidade das vacinas, das mortes e dos doentes em cuidados intensivos é também uma possibilidade. De resto, Inês Martins, defendida pelo bastonário da Ordem dos Médicos. Para além da incidência e do índice de transmissibilidade, a proposta da Ordem dos Médicos, desenvolvida com o Instituto Superior Técnico, propõe três novos indicadores de risco.